L'extrême minée, minoritaire face à la populace décidée à les exterminer. MES terminé, non elles sont partout s'émerdinées. Quand les gens disent qu'il ne faut pas souhaiter la mort d'un homme, je dis à sottise, ils oublient quelques personnes. Je parle du bon et de son escorte qu'il porte, ainsi je suis pas leurré. L'heure est trop proche pour considérer cela comme une simple corvée. Car une fois d'aise, il aura couvé, couverte de mauvaises idées, ses cousines et frères. Sur toutes ces nouvelles découvertes, ouvertes seront les portes, ils hériteront des clés, les clés d'où sort une espèce de Le Pen paradis. De quelle maladie est atteint ce gars-là? Je dis ce gars-là, mais y'en a plein d'autres. Un des gars égaux à lui veulent qu'on se vautre. Mais la Légion fait front, affronte jusqu'au bout de son front, défend ses fonctions, descend les fonds de ses foires fonds. Il se passe quoi? Le Pen passe quoi? Les squads de la politique, mec, casse-toi. Enfile la casque ou masque-toi, qui que tu sois. Si t'es de leur côté dans notre rage, notre haine, c'est sûr, tu seras voté. Vous exterminez, mais exterminez. Non, elles sont partout ces merdes innées, innées dans la connerie. Une attaque à la Légion étrangère, grosse connerie. C'est ne pas savoir à qui ils ont affaire. Faut les coffrer, leur faire subir les pires châtiments. Et chaque dimanche, ils prieront le Seigneur que ça cesse, voudront le sacrement. Ils sont sacrément drôles, ces clowns, ces politiciens qui se multiplient et se reproduisent. Et des clowns dans des cloaques, faut les enfermer, les clics, les cohues. Sera un miracle, fermer leurs clapets et leur botter le cul chaque jour. Un nouveau con fait son apparition à l'Assemblée. Ils veulent se rassembler pour nous faire trembler. Rentrer au bled, mais d'emblée, j'en déduis qu'il faut tabler. Les déguster, en faire un buffet de mufles, les bouffer jusqu'à étouffer. Il se passe quoi? Le Pen passe quoi? Les squads de la politique, mec, casse-toi. Enfuis la casque ou masque-toi, qui que tu sois. Si t'es de leur côté dans notre rage, notre haine, c'est sûr, tu seras voté. Vous exterminez, mais exterminez. Non, elles sont partout ces merdes innées, innées dans la connerie. Une attaque à la Légion étrangère, grosse connerie. C'est ne pas savoir à qui ils ont affaire. On est tous à la recherche de bonheur pur. Et après, pendant ce temps-là, débarquent les saloperies, les ordures. La vie dure, on vous mènera, vous fachos le peinera. Passez votre clic, sachez qu'un jour sonnera le déclic. Je bois à votre santé, histoire de fêter vite fait le jour où vous allez clamser. Comme c'est une douce pensée de ma part, de part d'agir une part de rage, mais inverse à la vôtre vaut rien. Contre une Légion, cela ne vaut rien. Coriace contre ceux qui n'ont rien pour rien. Allez vous faire foutre, juste pour un plonger. Ils se prennent pour un beau, vas-y saute, prends congé. Dans ton tombeau, le compte-goutte est enclenché. Un entonnoir dans lequel on tranche pour ceux qui seront tranchés. Légion étrangère, la vraie, la puissante, tranchée, franche et prête à déranger quand il s'agit de nos racines, donc de nous venger. Venger, venger, venger. Il se passe quoi? Le Pen passe quoi? Les squads de la politique, mec, casse-toi. Enfile la casque ou masque-toi, qui que tu sois. Si t'es de leur côté dans notre rage, notre haine, c'est sûr, tu seras voté. Vous exterminez, mais exterminez. Non, elles sont partout ces merdes innées, innées dans la connerie. Une attaque à la Légion étrangère, grosse connerie. C'est ne pas savoir à qui ils ont affaire. Le Pen passe quoi? Les squads de la politique, mec, casse-toi! Je crois que j'ai tout dit, il y a encore quelque chose à rajouter, je crois. De toute façon, faut vous exterminer, mais exterminer! Non! Elles sont partout ces merdes innées, innées dans la connerie. Une attaque à la Légion étrangère, grosse connerie. C'est ne pas savoir à qui ils ont affaire.